Quel profond scélérat, se dit Hulot en montant chez Lisbeth. Oh, je comprends maintenant la lettre. Valérie et moi, nous quitterons Paris. Valérie est à moi, pour le reste de mes jours. Elle me fermera les yeux. Lisbeth n'était pas chez elle. Madame Olivier apprit à Hulot qu'elle était allée chez Madame la Baronne, en pensant y trouver Monsieur le Baron. Pauvre fille, je ne l'aurais pas crue si fine qu'elle l'a été ce matin, se dit le baron qui se rappela la conduite de Lisbeth en faisant le chemin de la rue Vanneau à la rue Plumet. Au détour de la rue de Vanneau et de la rue de Babylone, il regarda l'Éden d'où l'hymen le bannissait, l'épée de la loi à la main. Valérie, à sa fenêtre, suivait Hulot des yeux. Quand il leva la tête, elle agita son mouchoir. Mais l'infâme Marneff souffleta le bonnet de sa femme et la retira violemment de la fenêtre. Une larme vint aux yeux du conseiller d'État. Être aimé ainsi, voir maltraiter une femme, et avoir bientôt 70 ans, se dit-il.